dès le matin à Célesbourg. Les chevaliers ont pris leurs vacances, prennent leurs valises et partent voyager dans des îles voisines accueillantes. Moi je veux visiter la vieille Hyrule, mais avant d'aller là-dessous, comme j'ai que les mains dans les poches, je prends juste mon lance-caillou et je vais commercer tout en haut de Chtéry. J'ai gavé de la chance, il vend tout de chez lui. Je monte dans sa nacelle en sonnant sa grande cloche. S'il fait gris, je pionce dans son lit près de sa pioche. Il fait sa popote, je suis bien mieux qu'à l'auberge. Car ça coûte rien, puis il m'achète mes insectes. La déesse Ilia peut attendre une petite nuit, le temps que j'aille commercer tout en haut de Chtéry. Un peu plus tard, c'est le Paname. Les Iliens sont descendus sur terre, des villages, des villes, des gorons. Il y en a maintenant plein les plaines, un royaume s'y est établi. Mais je perds pas mes habitudes, et même si Zelda devient en pierre, je reste en mode zénitude. Et je vais commercer tout en haut de Chtéry. J'ai gavé de la chance, il vend tout de chez lui. Il y a même du nectar à Bainiche en flacon. Ça permet d'avoir plein de goodies à foison. Il a même un programme de fidélité qui te ramène des réductions à plein nez. La princesse Zelda peut attendre une petite nuit, le temps que j'aille commercer tout en haut de Chtéry. Avant-hier, j'ai point eu de chance. D'un seul coup, v'là qui se met à pleuvoir, au point que toute la contrée est inondée de partout. Même si je n'ai plus qu'une barque, lorsque d'un coup me prend le cafard, je glisse sous le vent des dieux, jusqu'à ce que tout d'un coup je vais dégringoler dans la barque de Chtéry. J'ai gavé de la chance, il vend tout chez lui, car il vend des sacs pour porter du butin, mais aussi des flèches, des bouteilles, du gratin. Hein, quoi ? Il a même un programme de fidélité qui te ramène des réductions à plein nez. La petite tétra peut t'attendre une petite nuit, le temps que j'aille commercer dans la barque de Chtéry. Et puis l'océan a baissé, les plaines sont revenues, les chevaux sont devenus à la mode, on retrouve l'ancienne Hyrule. Avec mon cheval je me balade entre les relais, et puis vous en viendrez pas deviner qui j'ai retrouvé. Là dans les relais, y'a mon vieux pote Terry. Fille désormais, y'a moins de trucs chez lui. Il revend les flèches un peu trop chères, c'est pas tout fun, mais il le rend bien car il a d'autres bricoles. Et quand parfois je lui ramène un scarabée, il me remercie avec un plat préparé. Peu importe ce qui se passe dans ce pays, j'en viens commercer tout en haut de Chtéry.